Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Auditrices, amis auditeurs de Sorgia FM, bonjour. Et comme tous les dimanches, à partir de 9h, eh bien, on écoute l'accordéon. Avec Accordéon Parade, une émission que vous propose, que vous présente Michel. Et oui, c'est bien vrai, mon ami Édouard Duleux qui nous dit, eh bien, accordéon parade, c'est le bal de l'accordéon. Comme les autres dimanches, au bal de l'accordéon, retrouver ma loulou sous les branches. Nous avons dansé, puis on s'est assis pour se mettre au frais et pour boire un demi au bal de l'accordéon, comme chaque dimanche. Thank you. Merci à Tony Fontaine qui nous vient de Saône-et-Loire et qui vient nous interpréter Bal à Joe. Savez-vous que Tony Fontaine joue sur un accordéon à piano? Et c'est dur de jouer sur un accordéon à piano. Alors là, on te dit bravo Tony, c'est très bien. Mais n'empêche que c'est un joyeux virtuose, Gilbert Schwab, son accordéon. Tango du bal musette, rendez-vous des midinettes qui se font compter fleurettes en dansant joue contre joue. Le tango du bal musette, dans l'ambiance des guinguettes, un dimanche au bord de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos. Le tango du bal musette, dans l'ambiance des guinguettes, un dimanche au bord de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, ce sera ton Roméo. Tu te prends pour un gaucho qui jongle avec ses lassos, on se grise, on crie bravo, c'est le plus chouette des tangos. We'll be right back. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Sur les 91 MHz, c'est Michel qui vous propose tous les dimanches. Alors les valseurs ! Accordéon parade. Une émordue. Une émission pour les mordus des dépliants. Pour les amoureux de l'accordéon. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Si vous aimez mieux, bien c'est le plateau d'accordéoniste. Et puis bien sûr que c'est le bonjour de l'accordéon. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Après avoir entendu Bibi, ou si vous aimez mieux, Augusto Baldi qui vient de nous interpréter Fiesta. Bien, c'est le sympathique Tony Meller qui va nous entraîner dans un paso doble. Oui, et merci à André Dauchy, qui vient nous interpréter une valse romantique. Et on est parti à fond la caisse avec Ludovic Beyer. À fond la caisse. Thank you. Olé, et merci, oui bravo, et merci à Nicole Berge de nous avoir interprété Esmeralda. C'est un passe-double de sa composition. Allez, on va continuer avec un sympathique accordéoniste qui nous vient de Savoie, qui nous vient de Villaz, à côté d'Annecy, et qui va nous interpréter une tarentelle, mais pas n'importe quelle tarentelle. Il va nous interpréter une tarentelle bretonne. Merci à Jean-Michel Sonora qui vient de nous interpréter cette tarentelle. Claude Chevalier. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et oui, il est là comme tous les dimanches de 9h à 10h avec son émission Accordéon Parade. C'est Michel. Qui vous dit un petit bonjour en accordéon et qui vous amène le plateau d'accordéoniste. Ce dimanche matin, eh bien avec mes amis accordéonistes jurassiens, on va aller faire un petit tour sur les chemins jurassiens. Et oui, on vient de faire un petit tour sur les chemins jurassiens et c'était les accordéonistes, ce jurassien. Ah, ce qui les aime, Michel, ces jurassiens. Et oui, Michel aime bien les jurassiens, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, en allant se promener sur les chemins jurassiens, eh bien, j'ai eu le plaisir, il y a déjà quelques années, de rencontrer des sauterelles. Et oui, pas mal de sauterelles sur les chemins jurassiens. Et c'est Mimi le Prud'homme qui va nous le dire avec son accordéon. Allez, samba, samba! Ha ha ha! Merci à Sébastien Perrin de nous avoir amené un petit coup en Auvergne avec la mazurka d'Auvergne. Et maintenant, on va aller faire un tour à Napoli, en Italie. Et c'est avec le grand marteau, Napoli. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. merci à Aurélien Fenouillet de nous avoir interprété ce grand passodoble de notre ami Jean Bessade, Sombrero et Mantille. André Trichot, bien sûr. Est-ce que tu me fais valser ce dimanche ? Thank you. Voilà, et eh bien oui, voilà, accordéon parade, ça termine. C'était une émission que vous a proposé, que vous a présenté Michel sur les 91 MHz de Sorgi FM. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission en direct. Vous écoutez Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Mais à toutes fins utiles, je vous rappelle qu'Accordéon Parade est rediffusé le mardi à partir de 10h. Et puis, bien sûr, vous pouvez m'écouter sur Internet, même réécouter avec Popcast, où il y a plusieurs émissions d'accordéon qui sont dessus Internet. C'est facile sur GFM, Popcast, et on choisit les dates. C'est-il facile ? Alors, je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, un bon mardi, et tout ça. Et tout ça, bien sûr, en triolet. Allez! Bye bye et bon week-end. Vous écoutez Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Allez-vous, auditrices, auditeurs de Sorgi FM ? Bonjour ! Ça va, ça va ! C'est bientôt Noël. On a commencé à faire briller une partie des souliers. Et après, on verra ce qu'il y aura dedans. Avant d'arriver à Noël, devant la cheminée, eh bien, si on allait faire un petit tour vers le lac Majeur avec un Morschumann, ça serait quand même une bonne idée.

j'étais impatient. Le sommeil léger à 7 ans, le soleil enfin sur mon oreiller, et cette journée que je ne pourrais assis. Elle lui a dit, demain je vais t'apprendre le ski. Je n'oublierai jamais sa toute première leçon de ski, l'appréhension du téléski, sa première descente. them and I gaily laughed to think they

comme les plus belles traces, comme la buée sur les glaces. Ce soir, il y a un voile qui nous sépare et qu'on ne peut franchir. Ce soir, ma main est froide, il est trop tard pour changer l'avenir. Eh bien, merci à Vicky Andros qui vient de nous interpréter Danse avec moi. Eh bien, si on dansait avec Léo Ferré qui nous dit c'est extra de danser le tango. Une robe de cuir comme un fuseau forêt du chien sans le faire exprès et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les body blues qui chantent la nuit dans un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jase dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie. C'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra. Des bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair devient troublée, l'archer qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine flou, cette de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on attend.

je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, que ton corps frémira sous mes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, moi je renierai mes amis si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Dis-le bien. Qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh non, non, rien de rien. Oh non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé. La vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu. Toute l'immensité dans le ciel, plus de problème, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Johnny et Sylvie Vartan sur le, au théâtre de l'Olympia en 2009. Il y a des amours qui vivent encore aux couleurs des plus beaux romans, des flashs en plein soleil quand d'autres se meurent sur fond noir et blanc. Si toi ta vie tu la compares un peu à la mienne, alors toi non plus tu n'as pas trouvé les mots qui font s'aimer. Je peux pas t'oublier, moi mon cœur te chante encore, même si pour toi notre histoire est entre la vie. Je ne peux pas t'oublier, je me remets au passé. Rien qu'un signe de toi, je reviendrai te chercher. Demain la plage restera déserte, l'été va finir. Je me retrouverai dans ma défaite sans plus un sourire, et je reprendrai bien dès à présent un train pour Véronique. c'est pas l'envie qui manque ce soir de te téléphoner. Je ne suis plus bien dans ma peau. Rien qu'un signe de toi, je te jure, je repars à zéro. Je veux pas t'oublier, moi mon cœur te chante encore. Même si pour toi notre histoire est entre la vie et la mort. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Eh bien oui, garde-moi la dernière danse. Eh bien, on va la garder. Ça va être un petit coup d'accordéon par Gilbert Schwab. Et je vous rappelle que l'émission se termine. C'était une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche matin. Et que vous pouvez me retrouver mardi matin à partir de 10h. Vous pouvez trouver également Accordéon Parade puis Dimanche Variété, bien tous les jours de la semaine sur Internet, dans Popcast. C'est facile, facile. Vous cliquez Sorgia FM sur Internet. Vous avez le programme et vous avez Popcast. Alors vous cliquez sur Popcast et là vous trouvez nos émissions. Et je vous rappelle que toutes les émissions sont réalisées et programmées par Michel. Présentées également par Michel. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Également un bon mardi, puisque l'émission est rediffusée mardi. Et on va se quitter avec un air d'accordéon, bien sûr. Un air d'accordéon joué par Gilbert Schwab tout seul. Et le titre du morceau que va nous interpréter Gilbert, eh bien, ça va être une obade d'oiseau pour vous, auditrices, auditeurs de Sorgia FM. Et puis, bien sûr, que je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt sur les 91 MHz de Sorgia FM. Bye bye! Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Ha ha ha! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz.